est évidemment plus facile de punir que de guérir. Mais punir ne guérit pas. Et de quoi voulez-vous parler? Vous n'êtes pas obsédé par les 120 000 malades mentaux hospitalisés en France, dont beaucoup pourraient être guéris si l'on faisait pour eux le dixième de ce qu'on fait pour les tubercules. Allons, docteur Emery. Cessons de parader. De vous à moi. Croyez-vous qu'il suffise de les soigner pour les guérir? Si je ne les guéris pas tous, je n'en fabrique pas de nouveaux. Essayons tout au moins de les délivrer de la peur. Tous les jours, des aliénés qu'on a libérés trop tôt violent, tuent ou foutent le feu. Tous les jours, il en meurt dans les asiles. C'est vrai, s'il y a un risque à prendre, je préfère les libérer incomplètement guéris plutôt que de les tuer en ne les libérant pas. En somme, vous pourvoyez le monde en criminel, mieux que ça. Vous êtes vous-même un criminel par procuration. C'est en quoi nous différons. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Nous en reparlerons quand un de vos clients aura dévasté vos appartements et étranglé vos gosses. Mais ne comptez pas sur moi pour vous livrer un de ces malheureux dont j'ai reçu la charge. Ils sont à moi. Et j'en fais mon affaire. Et si l'on prenait le temps? Le temps de s'informer? Le temps d'essayer de comprendre? Le temps de s'intéresser un temps aux autres? Le temps d'écouter, le temps de laisser du temps à d'autres pour s'exprimer. Dans le cadre de la Semaine de la Santé Mentale, le Centre Antonin Artaud à Reims, les clubs thérapeutiques, le Grillon, à tout cœur, le MED, le GEM, la Locomotive, organisent la deuxième édition de leur Semaine de la Folie Ordinaire du 13 au 24 mars 2012. En amont de cette manifestation, nous avons réuni autour de nos micros des patients et des soignants du Centre Antonin Artaud. Éval, Fred, Mathieu, Nathalie Gillet et le docteur André Wong. Ensemble, ils vont nous parler du Centre Antonin Artaud, de la souffrance psychique, des réseaux de solidarité, de réflexion et de soins, des lois qui cherchent à enfermer plutôt qu'à libérer les malades, et puis de cette semaine de la folie ordinaire. Et si l'on prenait le temps de les écouter, le temps de s'informer, le temps d'essayer de mieux comprendre. Je suis assistante sociale au Centre Artaud et également à la clinique Henriet dans le service qui est intra-hospitalier, qui est rattaché au Centre Artaud. D'accord. Éval, bonjour. Bonjour, je suis patient, membre du GEM, membre du Grillon. Patient au Centre Artaud et vice-trésorier du GEM. Alors le GEM, c'est quoi, Éval? Le GEM, c'est un groupe d'entraide mutuelle. C'est suite aux lois 2006 qu'on a ouvert un GEM à Reims, derrière la cathédrale. Et en fait, c'est un groupe d'entraide mutuelle. Généralement, c'est ouvert pendant midi pour pouvoir, pour les personnes qui viennent de l'extérieur au Centre Artaud et pour les personnes de la clinique ou du Grillon, qui puissent venir trouver une entraide et pouvoir déjeuner dans un lieu convivial et faire des activités. On en reparlera sans doute. André Wong, bonjour. Vous êtes praticien hospitalier au Centre Antonin Artaud, c'est ça? Oui, oui. Donc, docteur Wong, je suis praticien hospitalier, en fait, du secteur 51ZR4. Oh là! Et oui, et donc c'est déterminé comme ça au niveau de la psychiatrie. Hein. Donc la population rémoise est prise en charge suivant différents secteurs, en fonction de la localisation de leur logement. Et donc nous prenons en charge des patients rémois, donc grâce au Centre Artaud qui est la structure ambulatoire, et il y a une unité d'hospitalisation dont je suis le responsable, donc à la clinique Henriet. D'accord, on reparlera également de tout cela. Fred, toi tu es membre du MAPSI, c'est ça? Ouais. Bonjour. Bonjour. Le MAPSI c'est quoi? Le MAPSI c'est une association de patients qui a été créée en janvier de cette année. Avant tout, ce sont des patients suivis en psychiatrie et on a décidé de se constituer en association pour essayer d'apporter des pistes et des éléments de réponse aux états généraux qui vont s'étaler jusqu'en 2015 pour qu'on puisse essayer de faire entendre la voix du patient en psychiatrie. Justement, Mathieu, à tes côtés, lui est patient du centre. Bonjour Mathieu. Bonjour, oui, alors je suis patient du centre Antonin Artaud et puis je suis aussi membre de toutes les différentes structures qui gravitent autour. Donc comme a dit Éval, il y a le GEM, le Grillon qui est un club thérapeutique. Et puis maintenant, depuis que l'association a été créée, je suis membre du MAPSI. Donc UMAPSY, c'est UMA pour humain et PSY pour la psychiatrie. Alors, on a entendu tout plein de termes, effectivement, le MAPSY, le j'ai déjà oublié, le GEM, oui, le GEM, et puis des termes un peu étranges. On va peut-être commencer par une chose simple, c'est quoi le centre Antonin Artaud à Reims? Alors, le centre Antonin Artaud, c'est un centre d'accueil de jour pour des patients pris en charge en psychiatrie. Donc, c'est un centre qui propose d'une part des consultations, donc il y a des psychiatres, des psychologues, et puis qui propose aussi, il y a une partie qu'on appelle, alors c'est encore un terme particulier, un CATTP, Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. Donc toute une série d'activités qui vont être animées par des infirmiers, mais aussi des psychologues, des médecins, des éducateurs et éventuellement l'assistante sociale. Voilà. Il y a d'autres centres du même genre à Reims ou c'est le seul ? Alors en fait, en psychiatrie, en général, par département, on va dire qu'il y a un hôpital. Et puis sur cet hôpital, il y a différents secteurs. Comme disait André Vong, les secteurs sont géographiques. Donc, et d'un secteur intra-hospitalier dépend souvent un CMP. D'accord. Donc une structure ambulatoire pour les personnes qui ne sont pas hospitalisées, mais donc pour recevoir des soins en ambulatoire. Quelle différence il y a entre un centre comme le centre Antonin Artaud et l'hôpital de jour ? Alors l'hôpital de jour, c'est une structure intermédiaire en fait où les patients sont considérés en hospitalisation, donc viennent toute la journée sur une prise en charge qui est vraiment qui a un caractère obligatoire. Au centre de jour, l'accueil est beaucoup plus souple. C'est donc soit par rapport à une consultation, sinon les patients viennent à des activités en fonction de soit du contrat qu'ils ont pu signer avec le soignant référent, soit en fonction simplement de l'envie de boire un café, de passer le matin et de voir du monde. Par exemple, je peux dire, au centre Antonin Artaud, il existe donc le CATTP, le CMP, et ce qu'on appelle aussi tout ce qui gravite autour, donc les appartements thérapeutiques, les appartements protégés. C'est des passerelles en fait à la rééducation, à la réinsertion sociale, qui permet pour les personnes qui sont hospitalisées par la suite de ressortir après en appartement thérapeutique. Ce qu'on appelle un appartement thérapeutique, le docteur Hong peut-être pourrait y répondre, c'est un appartement thérapeutique, c'est un appartement qui est pris en charge et où la personne reçoit des soins quotidiennement à une visite et permet à la personne aussi d'effectuer les tâches habituelles, domestiques et aussi permettre à la personne aussi de sortir de chez elle, de venir au centre Antonin Artaud pour sortir de l'isolement et pouvoir avoir un lien social, tisser un lien social. Les appartements protégés, c'est encore autre chose. Et cette année, l'année dernière, on a signé une convention avec la mairie et les organismes HLM, avec la gériatrie et les emplois précaires, pour obtenir des logements dits d'accès prioritaire pour les personnes qui ne puissent pas avoir les moyens d'avoir un appartement dans le privé, dans les particuliers. Quoi. Monsieur Mong, quel est votre rôle au sein du centre Antonin Artaud? Oui, et la particularité du service, c'est de faire un point pivot en extra-hospitalier, en ambulatoire. D'où donc ce centre Artaud, qui est le point central, en fait, et le point privilégié de la prise en charge des patients. Donc c'est un choix de travail. Il y a par contre, nécessité d'avoir toutes les autres structures autour, donc Eva en a un petit peu déjà parlé, donc dans le pavillon d'admission, parce qu'il faut, hein, pour les périodes de crise, que les patients puissent être pris en charge dans une structure quand même contenante, hein, qui est donc l'unité d'admission dont je suis le responsable. On a essayé de mettre en place, comme il dit, différentes passerelles. Les appartements thérapeutiques dont je suis responsable aussi permettent quand même de se réinsérer donc dans le tissu social, avec une grande aide au niveau des soignants, parce que c'est considéré encore comme hospitalisation. Et puis après, il y a une déclinaison qui va donc des appartements protégés à la prise en charge au quotidien au niveau du centre Artaud. Il y a les possibilités aussi donc, d'être pris en charge via les consultations, comme a déjà évoqué Nathalie Gillet. Donc on essaie de mettre en place tout un panel de prise en charge, essayant d'aider au mieux les patients. Ce panel-là n'est jamais assez complet et on est toujours un petit peu à réfléchir, à encore diversifier les choses. Il y a aussi le champ d'insertion sociale par les formations qui existent aussi à travers le CREF. dont je suis aussi actuellement. Et donc, c'est-à-dire, par exemple, l'accueil des immigrés, des étrangers, des nouvelles personnes qui viennent. Et ces personnes-là, moi, par exemple, j'effectue la traduction en langue turque, sachant que toutes les personnes qui viennent se viennent de tout horizon. Donc, moi, je suis là en tant que traducteur, interprète turc, pour pouvoir donner mon point de vue et donner le point de vue donc de la loi française pour que les personnes puissent déjà au niveau non pas du code civil mais de la façon d'agir je dirais culturellement et préserver au niveau de l'intégration et la façon aussi de d'apprendre donc parce que maintenant il faut 400 heures de cours de linguistique. Les personnes qui viennent en France doivent passer par leur pays d'origine, doivent faire 2 semaines de cours, puis après passer par l'ambassade de France, avoir un accord, se marier. Tout ça, c'est les personnes qui puissent ensuite après venir ici et de la même effectuer des formations civiques. Oui, non, ça c'est ce que vous faites, Eval, au niveau de votre travail, voilà, hein, pas au CREF, oui. Où nous intervenons aussi, c'est là où il y a le point commun, c'est le CREF propose des formations aux personnes qui sont prises en charge en psychiatrie, qui sont dites stabilisées et qui essayent donc de retourner vers l'emploi. Docteur Wong, je reviens vers vous. Vous parliez tout à l'heure de situation de crise. Qu'est-ce qui amène une personne, à un moment ou à un autre, à se retrouver au centre Antonin Artaud ? C'est une démarche volontaire ou c'est un organisme XY qui décide à sa place ? Il y a plein de pistes hein, pour atteindre le centre Artaud. L'une des pistes, c'est effectivement une demande directe, hein, donc par l'intermédiaire des consultations, entre autres. Hein, donc ça, c'est bien souvent le premier contact. Après, on pourrait dire de bouche à oreille, hein, les gens en souffrance savent qu'il y a cette structure pour donner un coup de main. Normalement, c'est sectorisé. On doit dire qu'on est sectorisé, mais de temps en temps, on se permet quand même d'aider les gens qui ont besoin de cette structure et qui ne trouvent pas un accueil ailleurs. L'autre piste d'entrée dans le centre, c'est des suites d'hospitalisation. Oui. Des gens qui sont en souffrance au moment d'une crise, passent par les urgences, se retrouvent en hospitalisation. Et une des pistes de sortie consiste à ne pas rester tout le temps à l'hôpital, mais de sortir relativement rapidement, mais ayant intégré, on pourrait dire, un dispositif de soutien, d'aide et de connaissance à ce moment-là. Donc ça va assez spontanément et rapidement au centre Artaud. C'est un lieu ouvert. C'est un lieu à la fois ouvert et fermé, parce que c'est ouvert, parce qu'on a fait le choix de se retrouver au centre-ville, d'être au milieu de la population, mais c'est un petit peu fermé parce que, bon, il y a une porte d'entrée. Mmh. Il y a la nécessité de contractualiser la prise en charge. On n'y va pas comme ça, et donc il y a quand même, ce qui est important, une contractualisation. Il existe bien des alternatives à l'hospitalisation pour les patients souffrant de troubles psychiques. La Cour des comptes, dans un rapport publié en décembre 2011, juge pourtant que le recours à l'hôpital reste trop excessif, faute de développement de prise en charge extérieure. De cela, et de bien d'autres choses, on en parle avec Eval, Fred, Mathieu, Nathalie Gillet et le docteur André Wong, patients et soignants du centre Antonin Artaud à Reims. On a beaucoup parlé l'an dernier, et puis l'année d'avant également, des soins psychiatriques à travers des réformes, des nouvelles lois. Mmh. Je ne suis pas certain que le grand public ait tout compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la situation avant? Et qu'est-ce que ces lois ont menacé? Puisque semble-t-il, le milieu psychiatrique a réagi très, très, très violemment. Quels étaient les dangers de tout cela, Fred? Ben, en fait, depuis deux ans, le gouvernement prétendait réfléchir à de nouvelles méthodes pour traiter les gens en souffrance. Et puis, ils ont un peu étudié le terrain. Et ils ont pris un maximum de renseignements auprès de gens qui sont en fait peu recommandables à mes yeux dans la profession. Ce qui fait qu'ils sont partis sur de très mauvaises pistes, et ils étaient en plus quand même téléguidés plus ou moins par le gouvernement qui, comme, bon, est pas vraiment plutôt liberticide, on va dire. Ce qui fait qu'ils sont engagés vers un chemin plutôt qui tendait à l'enfermement. Alors ils ont mis en place des lois qui sont plutôt relatives à tout ce qui est HDT, HO. HDT, c'est hospitalisation à la demande d'un tiers. HO, c'est hospitalisation d'office. Donc les gens qui tombent sous le coup de ces mesures sont maintenant encore plus, comment dire, encore plus enfermés qu'ils étaient avant les lois. Maintenant, même chez soi, on peut être enfermé, parce que comme dans le même temps, ils ont fermé pas mal de lits dans les services d'hospitalisation, ils se sont retrouvés quand même avec un problème, et pour régler le problème, ils ont dit, eh ben, on va enfermer les gens chez eux, avec la contrainte du soin, et le soin en ambulatoire sous contrainte. Ce qui veut dire que le patient qui est suivi, s'il a un rendez-vous le mardi matin avec son psychiatre et qu'il ne s'y présente pas, légalement, le psychiatre est tenu de prévenir le préfet, qui lui va prévenir la police, qui va venir chez le patient. Bon, peut-être pas lui faire l'injection, mais en tout cas l'emmener dans un lieu où il pourra recevoir les soins. Ça, c'est une des mesures essentielles, mais après, il y a plein de petites choses comme ça qui sont quand même, qui vont, à notre avis, pas vraiment dans le sens du soin, mais plutôt dans le sens de la... De l'enfermement, voilà. Ouais. Bah, je peux revenir là-dessus. Il y a une chose, c'est que maintenant, l'hospitalisation devient une sanction. C'est-à-dire que vous êtes enfermé dehors chez vous avec des soins sous contrainte. Donc vous avez un contrat à respecter, aller voir le psychiatre, prendre vos médicaments. Et si jamais vous fautez ou que vous sortez un peu de ce programme, retourner en hospitalisation d'office. Et c'est complètement délétère vis-à-vis du soin, parce que l'hôpital devrait plutôt être un lieu contenant, certes, fermé pour éviter les débordements, mais accueillant surtout, et pas quelque chose dans lequel on vous enferme et où on vous maltraite. Et en faisant de l'hôpital une sanction... on fait reculer les gens et on n'avance pas dans le traitement, quoi. Voilà. Mais en fait, à l'origine, et ça se passe un peu comme ça tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a un fait divers, dramatique, d'un patient qui est en rupture de soins et puis qui commet un acte grave sur une personne. Et tout de suite, il y a une stigmatisation des personnes suivies en psychiatrie. Et on nous parle que de schizophrènes dangereux et on fait peur à la population, en disant que ces gens-là sont dangereux et qu'il faut les enfermer. Ce qui fait que les lois qui se développent sont essentiellement sécuritaires. Et donc tout ce que disait Mathieu, c'est-à-dire l'accueil en psychiatrie, l'humanité qui est nécessaire aux soins, parce que sans humanité on peut rien faire, tout ça n'existe plus et on pense plus le soin que sous la forme de la contrainte. Ce qui est complètement aberrant et ce qui peut absolument pas aider les gens. Je voudrais donner un petit peu des précisions parce que ces témoignages sont super importants. Ça témoigne de la situation actuelle. J'ai envie de reprendre les choses par l'autre bout de la lorgnette, avec quand même quelque chose qui, à l'origine, devait être bien, aurait dû être bien. Et puis là, ça déraille. Parce que au départ, les gens qui étaient en souffrance psychique étaient quand même très mal parce qu'il n'y avait aucune possibilité d'avoir de l'aide. Parce qu'ils étaient comme ça, abandonnés, et quand même en très grande souffrance, comme ça, et bien seuls. Il y a eu la mise en place de tout un dispositif pour essayer d'aider ces personnes-là, et c'est pour ça que, bon, il y a les hôpitaux psychiatriques, qu'on appelait asile, Et c'est bien d'ailleurs, parce que Asie, c'est un lieu d'accueil à l'origine, hein, donc c'est super bien. Hein. Donc c'est des bonnes idées de départ. Et il faut dire aussi que c'est seulement en psychiatrie où il y a cette possibilité-là de prendre en charge les gens contre son gré, contre leur gré. C'est le seul endroit. C'est le seul endroit où on a le droit de faire ça, parce qu'on a beau être à moitié mort, on n'a pas le droit, hein, donc, de prendre en charge la personne contre son gré. Tandis qu'en psychiatrie, parce qu'on dit qu'à un certain moment, les gens sentent telle souffrance dans la tête qu'ils ne sont pas capables de donner un avis éclairé, c'est comme ça qu'on dit, à ce moment-là, donc, il y a ce principe-là d'aide, et c'est bien au départ, parce qu'il faut ça dans certains cas. Mais après, ça déraille. Ça déraille parce que, comme disait Nathalie, les fêtes, les publicités, les choses comme ça, transforment un procédé qui est correct, en procédé là, qui va de plus en plus mal. Donc la loi de 2011, la dernière mouture des hospitalisations sous contrainte, ça part de mon sentiment en disant qu'il faut quand même vérifier que cette hospitalisation sous contrainte soit correcte, parce qu'il y a eu des dérives, il y a eu des choses qui se sont mal passées, il y a des contrôles qui ont été mal faits, et puis même des médecins hein, qui ont mal fonctionné. À ce moment-là, sous prétexte quand même d'aider les patients et de faire en sorte qu'ils soient dans un système quand même plus correct et plus respectueux, on se retrouve à l'envers, à donc pêle-mêle mettre les gens en placement. Il y a un peu, hein, donc le côté sécuritaire, mais il n'y a pas que ça. Il y a une forte méconnaissance donc au niveau du travail, comme disait Nathalie, parce qu'en psychiatrie, c'est pas obliger les gens à se soigner qui est le plus important, c'est de pouvoir accueillir la souffrance et de rentrer en contact avec les gens en souffrance. Petite anecdote, là, tout récemment, là, j'ai un fils qui est en médecine et qui se prend la tête avec la nouvelle loi parce qu'il va passer l'internat. Et puis, on ne cause pas beaucoup psychiatrie, parce qu'il ne supporte pas la psychiatrie, mais à cause des nouvelles lois, il me pose des questions en disant « Oui, avec les nouvelles lois, c'est seulement en psychiatrie qu'on a le droit d'hospitaliser les gens de force et contre leur gré, avec le terme de « hospitalisation possible pour péril imminent ». C'est bien ça. Péril imminent, ce n'est pas forcément parce que les autres sont en danger, mais c'est parce que le patient est en danger. Péril imminent, super bien. Mais il me dit, à ce moment-là, les patients sont en souffrance, on peut hospitaliser tout le monde sous le principe de péril imminent. Eh bien oui, si on ne prend pas le temps de réfléchir, on fait des raccourcis en disant, pour ton bien, pour pouvoir te protéger, pour pouvoir protéger la société, pour pouvoir hospitalisation sous contrainte. Pire encore, les gens qui sont un petit peu hésitants, c'est pas seulement qu'ils ne veulent pas, ils sont tout simplement un peu hésitants et un peu en souffrance parce qu'ils sont un peu malades, on dit qu'ils ne sont pas capables de donner un avis éclairé. Hospitalisation sous contrainte. Bien sûr, pour se donner bonne conscience, c'est dit après, on va contrôler, on va faire des certificats 24 heures, 72 heures, pour contrôler le bienfait et puis donc la légalité. Mais on a tout perdu déjà parce qu'au départ, on a fait quelque chose de pas correct et on a oublié d'accueillir le patient. Et ce que j'ai dit à mon fils, c'est que les médecins, souvent par manque de connaissances et puis par manque de formation, parce qu'actuellement, la formation, c'est un peu rapide comme pour tout. Hein, et ça se focalise sur les symptômes, ça se focalise sur les résultats, entre autres les médicaments. Et à ce moment, je répète, on oublie d'accueillir les patients. Et puis... Moi, je lui ai dit qu'à chaque fois qu'on fait une hospitalisation sous contrainte, c'est un peu une défaite du médecin. Parce que quand on fait ça, ça veut dire qu'on n'a pas pu rentrer en relation, on n'a pas pu négocier un contrat, un partage. Parce que même un patient en souffrance, même au fin fond de sa souffrance, il est capable de se rendre compte que quelque part nous sommes bienveillants, quelque part on a envie de donner un coup de main, quelque part qu'on fait des propositions, c'est pour aller dans le bon sens et non pas faire en sorte que ce soit... une incarcération, comme disaient les... Donc, c'est pour éviter l'incarcération. La nouvelle loi va contre le secret médical en, permettant aux médecins de dénoncer les patients à la police, quoi. Et puis au-delà de ça, il y a aussi maintenant quelque chose de complètement nouveau qui vient d'apparaître, c'est l'apparition du juge, le juge à l'hôpital. Alors dans les textes, il est prévu que ce soit donc un juge qui, au bout d'un certain délai légal, soit saisi automatiquement pour vérifier si tout est bien légal, comme le disait le médecin, c'est-à-dire les vérifications et les nouveaux certificats et tout ça. Et donc, en fait, dans la réalité, le juge ne peut pas vraiment venir à l'hôpital. Alors, c'est prévu, il a sa place de parking, tout ça, mais ce n'est pas tellement comme ça que ça se passe. C'est plutôt l'inverse qui se produit, c'est-à-dire qu'on va plutôt emmener le patient au tribunal. Et il y a même des endroits, on commence déjà à avoir des témoignages, où ça se passe carrément dans le panier à salade. C'est la fourgonnette qui débarque à l'hosto, le patient qui grimpe là-dedans, lui et puis peut-être un ou deux autres. Tout le monde débarque à l'hosto, tout le monde attend dans une salle d'attente bondée où il y a le clandestin, le voleur à la tire, tout le monde est là mélangé. Le patient qui va vraiment pas bien dans sa tête, à la base, ça lui fait sûrement super plaisir de se retrouver dans cet environnement. Et puis voilà, ça c'est quand même assez violent. Là, je ne sais pas si on peut encore parler de soins à ce niveau-là. Bah en fait, ce qu'on oublie là-dedans, c'est que ce qui compte, enfin, quand un patient arrive à l'hôpital et qu'il est vraiment très mal, ce qui est important, c'est la rencontre qu'il va y avoir avec lui. Et que cette rencontre, elle va pas... Il faut qu'on arrête d'imaginer que c'est au patient de faire la démarche de venir vers le soignant. C'est quand même bien au soignant et à l'équipe d'aller à la rencontre de la personne, au-delà de ses troubles, au-delà de ses hallucinations, de ses délires, de son repli, d'essayer de trouver le moyen de communiquer. Parce que ce qui est important, c'est quand même la parole, c'est de remettre des mots. Et que toute cette contrainte et toutes ces histoires de juges, de certificats, de traitements obligatoires, ça nuit vraiment gravement aux soins. Compte tenu des difficultés financières, il n'est pas exagéré de parler dès aujourd'hui de résultats concluants. Nous rencontrons beaucoup de mauvaises volontés, des préjugés, de l'as. Mais nous sommes sur la bonne voie. Qu'est-ce que c'est, docteur ? Des modelages de nos malades, ou divers stades de leur traitement. Ils commencent par des boules, toujours, des boules. La terre. Puis viennent les animaux. Ici, des êtres étranges, entre la bête et l'homme. Un centaure, un sphinx, une sorte de petit faune. Mais ici, le modèle des hommes, c'est qu'ils sont guéris ? Non. La dernière étape semble représentée par les symboles de la vie. Un enfant dans son berceau, des fruits dans un panier, des petites fleurs dans un vase. Des arbres droits, au centre des jardins. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a derrière tout ça aussi une remise en cause de la psychiatrie ? On voit, alors bon, je vais prendre un excès, l'église de Scientologie qui dit la psychiatrie, ça ne sert à rien. Mais plus, on voit aussi des labos pharmaceutiques qui seraient plutôt tentés vers des traitements avec des médicaments, exclusivement des médicaments. On voit même, j'ai cru voir dans une émission de télé, des chirurgiens qui essayent d'atteindre, de travailler dans le cerveau, d'aller trifouiller dans tout ça, quoi. Est-ce que ce n'est pas la psychiatrie qui est visée dans tout ça ? Je crois que... Bah, y a d'une part toutes ces choses, donc la scientologie qui attaque la psychiatrie, mais les médicaments, les labos, ça fait longtemps qu'ils sont dans les facultés de médecine. Alors c'est valable pour la psychiatrie, mais pour tout. Hein. Le but c'est de vendre, hein. Ils sont pas là pour... c'est des entreprises qui veulent faire de l'argent. Donc évidemment que leurs médicaments c'est les meilleurs et que tout va bien dans le meilleur des mondes quand on prend leurs pilules. Y a d'autre part... je crois à une grande méfiance de la population vis-à-vis de la psychiatrie parce qu'elle n'est pas accueillante partout comme elle l'est au centre Artaud. Je crois aussi qu'il faut signaler que le dispositif au sein duquel on est pris en charge tous les trois patients et au sein duquel travaillent Dr Vong et puis Nathalie, c'est quelque chose d'assez exceptionnel en France. Un endroit où on vous accueille, où on peut discuter, où... les choses se discutent et on vous prend pour un être humain normal et pas pour quelqu'un qui ne sait pas ce qui est bon pour lui. Enfin, il y a des endroits où c'est le psychiatre qui décide et où il n'y a pas moyen de négocier. Alors je dis pas que tout doit être négocié, mais quand même, il y a des endroits où le psychiatre réduit pas la souffrance. Au centre Artaud, je pense que c'est le cas. Enfin, ils essayent, en tout cas. Et voilà, la psychiatrie, elle n'est pas égale partout en France. Il y a des endroits où, je pense, les gens sont maltraités et où ça se ressent partout à l'extérieur parce que quelqu'un de maltraité, il va mal. Et évidemment, il déborde partout dans la société vis-à-vis de sa famille, de ses fréquentations, etc., quoi. Donc je crois que ce qui est en jeu là, c'est surtout une vision de la psychiatrie et qui va pas bien dans certains endroits parce qu'on se dit qu'avec des médicaments, on va tout résoudre, quoi. On se donne pas les moyens. Moi, je pense au niveau des secteurs. Donc il y a différents secteurs, par exemple à Reims, mais il y a 10 secteurs. Sur 10 secteurs, nous ne représentons que 2 secteurs qui fonctionnent comme ça en psychothérapie institutionnelle. Et je pense qu'il y a aussi, de la part des autres structures, une autre façon de faire les choses. Et ce qui est fait, c'est que nous, depuis 2008, 2009, jusque 2011, jusque que la loi elle a été votée, on a pris part à la manifestation. C'est-à-dire qu'on s'est déplacé avec nos moyens, on a été à l'Assemblée nationale, on a été au Sénat, on a expliqué notre point de vue qui a été partagé, qui était minoritaire et qui s'est retrouvé majoritaire. Mais il y a eu 3 abstentions. Du coup, la loi est quand même passée parce que cette loi-là, elle vise à... Elle est réducteur. C'est-à-dire que nous, par exemple, comme on est ici, vous voyez très bien qu'on n'est pas agressif, qu'on discute comme des personnes humaines et normales et que ce lien qu'on tisse, c'est un lien social. Le groupe d'entraide, qu'on s'entraide, c'est un lieu de convivialité. Je veux dire, quand on prend le petit déjeuner ensemble ou quand on effectue une activité, que ce soit de la radio ou que ce soit de l'écriture ou que ce soit de l'actualité, parce qu'on parle de l'actualité aussi, on débat entre nous. Et je veux dire, toutes ces structures-là, elles nous permettent à nous d'avoir notre point de vue et de partager le point de vue de l'autre et qu'il y ait un débat aussi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est pas avec les mains qu'on va tout régler. C'est plutôt avec la communication, avec le dialogue. C'est en discutant, en montrant justement comme aujourd'hui ce qu'on est en train de faire, le côté, l'aspect de la psychothérapie institutionnelle, thérapeutique. Oui, à la question, est-ce que c'est une attaque de la psychiatrie ? Je dirais presque oui et non. Oui et non. C'est presque pire que ça. Si c'était une attaque de la psychiatrie, peut-être qu'on pourrait s'en débrouiller pas trop mal. Mais là, c'est une attaque globale. C'est une attaque, c'est une bagarre complète contre tout un système là. Que il y a des témoignages là, des patients là qui essayent de montrer comment on essaie de les aider par un biais. Donc il y a le mot psychothérapie institutionnelle qui est lâché, mais donc c'est un biais, hein, c'est qu'un biais. Et pas le seul biais d'ailleurs, et c'est pas la panacée, loin de là. Et il faut avoir les médicaments, il faut même avoir les contraintes, hein, c'est ce que j'ai dit, hein, donc c'est important. Mais c'est quand c'est désordonné et quand il y a un essai quand même de privilégier une piste de manière un peu aveugle, en disant, bon, tout le monde enfermé parce qu'il y a eu un problème. Et puis, on va dans l'absolu comme ça. Tout le monde médicament, parce que ça marche un peu. Et ça marche, hein, ça marche. Mais ça marche pas pour tout le monde. Et quand on se met à se dire, pour tout le monde, médicament, d'abord ça. Ou bien, on va trifouiller dans le cerveau. Là encore, ça marche, hein. Et puis, c'est bien qu'il y ait des études de fait et puis des avancées. Mais si tout le monde doit passer avec un petit machin dans le cerveau, c'est là où ça devient la catastrophe. Et où c'est encore plus la catastrophe, c'est quand, dans notre système actuel, on apprend à tout le monde, y compris aux médecins, à être rentable. Maître mot, être rentable, c'est-à-dire qu'il faut qu'on maîtrise tout. Il faut que quelqu'un, à peine arrivé à l'hôpital, on puisse déjà donner le diagnostic, le pronostic, c'est-à-dire qu'en 3 jours et demi, on va s'en débrouiller et puis tout ira bien pour le meilleur des mondes. Ça, c'est la nouvelle mode. Et c'est une mode qui est dramatique parce que les labos, ils ont toujours existé. Les labos, ils ont toujours fait du fric. C'est leur boulot. C'est leur boulot. Mais en conjonction de ce fonctionnement-là et puis donc du système là, actuel où il faut être performant en tout, on marche à l'envers parce qu'en psychiatrie, on ne peut pas être performant. Hein, donc partager avec les patients, c'est un long travail, fatigant, difficile. Hein, et ce n'est pas possible que ce soit performant. Si, on est performant parce qu'on règle plein de problèmes. Il y a des patients qui témoignent, qui nous disent merci. On est performant. Mais pas dans la rapidité, pas comme l'entend la majorité des, dirigeants actuels. Hein. Donc c'est un petit peu là le problème. Ces dirigeants qui condamnent l'assistanat, est-ce que ça ne participe pas de la même chose quoi. Au bout d'un moment, les soins psychiatriques, ben, c'est une sorte d'assistanat, d'une part. Puis d'autre part, vous venez de le dire, ça prend du temps. C'est pas oui, rentable. Oui, oui. Mais même, ils ne sont pas contre l'assistanat. Hein. Ils sont prêts même à donner un peu d'argent. S'il y a le GEM, c'est une certaine forme d'assistanat. Hein. C'est-à-dire que ce sont les patients qui s'assistent entre eux et tout ça. C'est des bonnes idées, c'est des bonnes idées. Mais il y a quelque chose de sous-jacent, c'est toujours la rentabilité, parce que s'ils donnent un peu de sous pour ça, ils donneront un peu moins de sous pour faire le travail d'accueil, pour avoir une formation de médecin, pour avoir tout un dispositif qui coûte cher. Parce qu'en psychiatrie, c'est pas le scanner qui coûte cher, hein, c'est effectivement le personnel, leur apprentissage, hein, donc à faire de l'accueil, à accompagner les patients. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent, d'une certaine manière. Moi, je voudrais rebondir, si vous le permettez, sur cette histoire d'assistanat. Le médecin dit qu'au fond, c'est bien quand même qu'il cautionne un peu l'assistanat donnant tout cet argent. Moi, je ne pense pas du tout. Je ne pense pas du tout qu'il cautionne quoi que ce soit. Je pense au contraire que c'est encore une fois... à l'heure, évidemment que c'est beaucoup d'argent. C'est 22 millions d'euros en 2010. Mais ils ne les ont pas donnés comme ça par grandeur d'âme ou parce qu'ils se sont dit « Tiens, on va faire un petit peu plaisir aux gens ». Ils l'ont fait parce qu'ils se sont dit « Si les patients s'entraident entre eux », l'idée de groupe d'entraide mutuelle, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire « C'est les patients entre eux s'entraident ». On va leur donner de l'argent à hauteur, par exemple pour le GEM là, 75 000 euros par an. Mais il y a un but, c'est que ça... ils espèrent que ça va décharger la charge de travail des professionnels et donc pouvoir permettre à ces professionnels de traiter encore plus de cas et de résoudre plus rapidement encore les solutions en envoyant ceux qu'ils ont conseillé au départ. L'État a conseillé, enfin a dit aux psychiatres, vous envoyez les patients vers les GEM parce que dans les GEM, c'est censé être le nouveau lieu d'accueil financé par l'État. Et ils sont même allés au-delà de ça. Récemment, dans certaines régions, ils ont carrément envisagé, ils ont testé, même ils ont mis en place un système de rémunération de certains patients. Alors, à l'issue d'une formation plus ou moins discutable, et on parle quand même de patients à la base, et ils ont voulu faire de ces gens-là des soignants en les rémunérant au sein de GEM pour prendre en charge d'autres patients. Alors là... Là, on peut trouver ça plutôt charmeur, mais en réalité, c'est carrément délirant, quoi. Je veux dire, à la base, on parle de soins, on ne parle pas ni de rentabilité. Et puis voilà, il n'est pas question de privatiser ça aussi, parce que je pense que l'enjeu derrière tout ça, c'est la privatisation d'un maximum de services. Là, au départ, on est dans un service public. Et quand l'État se met à donner comme ça des millions... pour soutenir ce type de projet, c'est pas pour le laisser dans le public. C'est pour justement, encore une fois, derrière tous ces lobbies, qu'ils soient pharmaceutiques ou autres, l'idée c'est quand même qu'eux prennent ça pour eux et puis à la fin tirent aussi des profits. Voilà. Oui, non, mais en fait, par rapport à ça, c'est effectivement le risque, c'est que le GEM remplace le CMP. Tout à fait. Ouais. Hein, et que à terme. Dans un souci de rentabilité, il n'y a plus d'extension ou même de création au sein des CMP, mais que ce soit les GEM, ça peut être un risque quand même. Pardon, on est un peu d'accord là. Donc, je voulais intervenir un petit peu sur ce qui vient de se dire. En fait, on est quand même tous d'accord. Hein. Je ne sais pas si on se rend compte, mais on est tous d'accord, mais en voyant les choses par des bouts différents. Et ce qu'il y a, je voulais quand même ajouter un tout petit point, c'est que on n'est pas content. On n'est pas content de ce qui se passe. Ça, c'est clair. Hein, et on le partage tous. Mais après, il y a la manière de se débrouiller de ça. Donc, en tant que médecin, je soutiens. Je soutiens donc les patients qui nous donnent un coup de main en disant pas content, pas correct. Et puis, on va dans le même sens. Par contre, si on ne fait que ça, ben, on est un petit peu bloqué, hein, si on ne dit pas content, et puis qu'est-ce qu'on fait ? Donc par rapport au groupe d'entraide mutuelle, nous, chez nous, on a décidé quand même d'accepter le groupe d'entraide mutuelle, mais pas la sauce du gouvernement, on pourrait dire. On accepte en bricolant, donc en rajoutant ce qu'on croit, en y rajoutant du soin. C'est pas facile, c'est plus compliqué. Mais donc on a toujours un peu essayé de fonctionner comme ça, et parce qu'on ne peut pas passer son temps à dire seulement pas d'accord. Il faut quand même essayer donc, d'inventer Je pense que dans notre boulot, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas qu'à coup de médicaments qu'on peut faire les choses. Il faut utiliser les médicaments, mais il faut inventer tout le temps et se reposer des questions. Donc, sur comment prendre en charge cette souffrance-là qui est quand même terrible. Bah, y a une chose, c'est que c'est un patient, une façon de le prendre en charge et de le soigner. Hein. Il n'y a pas de méthode applicable à tout le monde. On ne fait pas d'un particulier une généralité. Organisé par 6 structures ou associations, dont le centre Antonin Artaud, la Semaine de la folie ordinaire, c'est à Reims, du 13 au 24 mars 2012. Il est temps d'en détailler le programme. Il s'agit d'une réaction à ce qui s'appelle la Semaine de la santé mentale, parce qu'on n'est pas trop d'accord sur le terme de santé mentale. Qui nous pose un peu problème, donc on a décidé de l'appeler la semaine de la folie ordinaire, d'une part pour dire que la folie, bah, ça existait et que malheureusement c'était peut-être inhérent à l'homme et qu'on pouvait pas faire autrement, et donc on a décidé de montrer ce qu'on savait faire. Donc la semaine de la folie ordinaire, ça va durer 2 semaines du coup, comme on est un peu fou, on s'est dit qu'une c'est 2, et donc il y a une grande exposition. C'est de quelle date à quelle date? Alors c'est du 13 au 24 mars. Donc il y a une exposition à la Maison de la Vie Associative à Reims, rue du Barbâtre, donc du 13 au 24 mars, l'inauguration, le vernissage le 13. Il y a une soirée débat le jeudi 15, donc à 20h. De 18 à 22h. De 18 à 22h, pardon. Le thème du débat, c'est... Le thème du débat, alors le titre de la soirée, c'est « Des mots en débat, cassons le moule ». Alors, des mots, c'est M-A-U-X. Voilà. La salle Armonville. Salle Armonville, à Reims, rue Armonville. Alors là, on est dans le désordre, mais la veille, il y a le Rififi à Carnegie. Le mercredi. Donc c'est le mercredi à 19h. Donc c'est le résultat d'un travail... d'un atelier d'écriture. Un atelier d'écriture du GEM, la locomotive. Et puis le lundi 12, il y a la soirée à la mairie, salle des fêtes de l'hôtel de ville, avec René Pandelon, psychiatre et psychanalyste, qui va intervenir sur le thème culture et société de 18h30 à 20h30. Et puis il y a donc un dévernissage le samedi 24 mars à partir de 15h, je crois, où il y a de nouveau une lecture théâtralisée du Rififi à Carnegie. D'accord. Est-ce qu'il y a un site internet, quelque chose où les Oui, il y a le blog du J'aime la locomotive où il y a le programme. Oui. Donc c'est j'aime-la-locomotive.wordpress.com. D'accord. Il suffit de taper J'aime la locomotive Reims dans Google. J'aime, c'est G-E-M. Puis la locomotive, c'est locomotive. Oui. Et là, il y a le programme détaillé, mais sinon, on va aussi coller des affiches dans toute la ville et aux alentours. Et puis peut-être que vous allez mettre le programme sur votre site. Tout à fait, c'est ce qu'on va faire. Puis on va essayer dans le maximum de nos possibilités de suivre tous ces événements pour en faire quelque chose ensemble. Oui. Là encore, une petite précision. Là. Semaine de santé mentale, là, c'est pas deuxième édition. Hein. Et c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, patronné par la mairie. Et donc ça prouve quand même que cette question-là, c'est pas une question nouvelle. C'est une question qui touche, et puis donc je pense que la mairie est tout à fait sensibilisée à ça, et donc c'est pour ça que elle patronne et soutient donc une semaine où on parle de la maladie mentale et des souffrances. Donc c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que l'année dernière il y a eu un choix d'associer les patients, parce que d'habitude c'est entre spécialistes, entre des gens qui savent tout, et là donc c'était décidé donc de d'avoir le soutien des patients. Et ça a été magnifique. Ça a été magnifique parce que les témoignages des patients, leur participation, participation des familles, ça a été quand même, pour nous, une grande réussite. Et donc là, c'est une deuxième édition. Une deuxième édition, on espère que ce sera une réussite aussi. Et cette deuxième édition, là, a quelque chose de... peut-être mieux, parce que on était un petit peu porteur de ça l'année dernière, et puis là cette année on est un peu plus dans quelque chose de partagé avec d'autres équipes, donc ce n'est pas que le Centre Arto qui participe à cette manifestation. Au niveau des différents secteurs, il y a une participation, et nous espérons que ça va s'accroître et que de plus en plus la parole des différents patients des différents secteurs pourront s'exprimer comme ça au travers de cette manifestation, mais pourront se manifester aussi au quotidien. Donc c'est ça un peu le pari, qui est de dire, essayant de faire des émules, essayant de promouvoir ce mode de fonctionnement, qui n'est pas un bon mode de fonctionnement, je tiens à le dire, hein, parce que on est toujours dans cette bagarre, on est les meilleurs, les autres sont mauvais. Non, c'est une méthode, c'est une croyance, c'est un mode de fonctionnement. Et c'est ça qui nous tient, qui nous soutient. Et ça nous soutient, nous, soignants, mais avec les patients. Et on a envie vraiment de faire la promotion de cela. D'accord. Écoutez, je vous remercie tous les cinq. Et puis, à bientôt, j'espère. Toutes les cinq. Toutes les cinq. Toutes les cinq. Ça pourrait s'arrêter. J'ai la tête dans un étau. Vous m'avez apporté votre ordonnance, comme je vous l'avais demandé ? Oui. Excusez-moi, un petit peu. J'aime bien faire des petites boulettes. Je voudrais que ça s'arrête. S'il vous plaît. Je ne veux pas dire du mal d'un confrère, mais les tenants du tout chimie... Quelle bande de cons. Vous allez m'arrêter ce traitement immédiatement. Monsieur Bledisch, ce sera long, ce sera difficile. Mais je crois qu'on tient le bon bout.